Bonsoir à tous, vous êtes dans Où ira bien, qui où ira le dernier. Et aujourd'hui, on reçoit Sam Rushton. Salut Sam. Salut. Et on va t'entendre pour commencer cette émission direct. Electro, noise. On va découvrir aujourd'hui l'univers musical de Sam Rushton. Thank you. Merci Sam Richton d'être avec nous aujourd'hui pour ce Oui ira bien qui ouira le dernier. Est-ce que tu peux nous dire un peu avec quoi tu joues, avec quoi on a pu t'entendre et qu'est-ce que tu as amené aujourd'hui? Mais tout d'abord, en fait, je joue avec ce que j'ai ou avec ce que je peux avoir les mains, sous les mains. À force de faire ça, j'ai mon propre matos qui se crée depuis plusieurs années. Et donc je me dirige plus vers des synthés modulaires, des choses pas nécessairement évidentes à l'approche, parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est de la recherche du contrôle d'une machine ou de voilà, c'est ce qui m'intéresse. Donc je change souvent de matos ou je prends pas la manière le plus facile en tout cas pour faire les choses. Et donc tu es venu avec des synthétiseurs et des machines synchronisées par contrôle voltage, c'est ça? Non, c'est pas synchronisé par pas là en l'occurrence parce que mais là il y a deux synthés modulaires mais qui se communiquent assez peu entre eux. Je les utilise presque tout seul. Ce qui est plus simple en fait, plus léger aussi pour bouger. J'ai pas amené beaucoup de modulaires là. En l'occurrence, quand c'est plusieurs synthétiseurs modulaires qui se communiquent, oui, c'est par CV, contrôle voltage, ou par des trigs. Ça se parle en courant d'électricité, quoi. Et tu disais que tu es à la recherche du contrôle, et pourtant justement toutes les machines que tu utilises, c'est clairement ça fonctionne en aléatoire. Ah, carrément pas en aléatoire, non. Ah oui. Ah oui, non, carrément pas. Je comprends le malentendu. Mm-hmm. C'est loin d'être aléatoire. Si mes machines, je fais rien derrière, ils font rien. Il y a des c'est plutôt lancer savoir ce qu'ils font et les faire ça quand tu les veux, mais après ça reste tu restes maître de tous les sons qui sortent. Ça tu peux jamais dire parce que oui, c'est ça. C'est pas donc c'est ça pas, reste parce que sinon en fait tu joues plus. Si t'es que maître, t'es un peu comme un DJ mais avec des sons que t'as créés toi-même ou quoi, et ça m'intéresse pas beaucoup. Donc je préfère subir la musique quelque part. Et donc là, mon travail, c'est juste de savoir les techniques, quand ça arrive, qu'est-ce que je peux faire, etc. Oui, c'est ça, d'accord. Et tu fonctionnes beaucoup en solo, tu travailles beaucoup seul cette musique-là? Oui, j'ai jamais eu de facilité à travailler avec d'autres gens. Je travaille beaucoup mieux tout seul et en l'occurrence j'ai rencontré quelques personnes ici à Bruxelles avec qui c'était un plaisir de travailler. Mmh. Et donc ça existe, je peux travailler avec des gens, mais c'est assez rare quand même. Mmh. Et notamment, peut-être on peut les citer, hein, les collaborations. Il y en a un pas loin. Ouais. Donc JP, hein, la technique de Oui ira bien. DJP avec qui vous avez un duo, et puis Nicomus, je ne sais pas si c'est un duo, un trio. On avait un soirée qu'on a décidé, en fait on savait que je savais que je devais faire un soirée dans 2 semaines et il y avait JP qui était à la terrasse de l'Union, moi j'étais en face au libraire et voilà, j'ai fait « Ah mais tiens JP, tu veux faire ?»« Oui d'accord », puis il y avait aussi Nico et donc on a bien travaillé pendant 2 semaines pour faire communiquer toutes nos choses, donc c'était plus, comment dire, c'est presque fabriquer une grosse bête au lieu d'être 3 personnes qui jouent. C'était c'est un peu plus tout ce qui se passe ensemble, quoi. C'était super chouette, moi j'ai beaucoup aimé. C'était pour une date au Central. C'était une date au Central. Avec JP on a fait encore un soirée mais un peu plus noise, mais qui était chouette aussi. Il y a aussi un duo avec Fabrice Cesario qui s'appelle The Last Vault. The Last Vault, oui, y en a un peu sur internet à voir. Ça c'est du noise assez planant en fait, un peu psychédélique, sans être trop trash, mais c'est quand même assez puissant. Il y a un autre groupe qui s'appelle Screaming Fish, où il y a un travail de composition plus important. Oui, je travaille plus dessus, mais ça restera toujours un projet, parce que à la base, j'ai fait beaucoup de chansons à la guitare tout seul, et j'ai jamais vraiment su intégrer l'électronique et la guitare. Donc c'était un essai à ça. Et aussi, comment dire, c'était assez important pour moi d'essayer de faire écouter du noise aux gens. Et donc c'était un peu un appât aussi, une jolie chanson, hop, les gens se sont assis, et puis après je peux commencer à faire ce qui m'intéresse plus maintenant. Et les gens étaient attrapés, alors que très souvent dans ces soirées-là, les gens ils sont répulsés juste par principe, alors que... En théorie, ça pourrait plaire à tout le monde. On va écouter quelques productions en solo, et puis on reviendra un peu pour discuter de ton parcours d'ici une vingtaine de minutes. Ce sont des morceaux, les morceaux que tu as amenés. Alors c'est des morceaux carrément pas mixés, un peu coupés à l'arrache. C'était pour que je puisse faire écouter ma musique à des gens ou pour pouvoir trouver des lives ou quoi. Donc, mais c'est vraiment pas mon travail de faire un mixage ou de. Donc voilà, il faut excuser les grossièretés de mixage, mais voilà, c'est des petits bouts plus ou moins acceptables. Ça va, on va écouter Lo-Fi. Hein. des lives de Sam Rushton donc. Thank you. Thank you. Thank you. Vous êtes dans Oui Ravien, qui vous ira le dernier. Vous venez d'entendre donc, quelques morceaux que tu as produits, Sam. Hein, produit, c'est un gros mot. Pour ce, c'est juste enregistré, et comme j'ai dit avant, son mastering. Comment est-ce que tu en es venu à cette technique, à travailler ces instruments au bending? Mais ça, c'est grâce. J'ai vécu un petit moment chez un pote qui avait beaucoup de matos. Et donc, j'ai commencé à brancher ma guitare, ce que j'avais décidé de ne pas faire depuis très longtemps, d'avoir juste d'essayer de contrôler la guitare. Et puis, bon, en voyant tout le matos chez mon pote, j'ai commencé à l'utiliser. Et depuis, j'adore ça. Donc, à fur et à mesure, on s'achète des trucs, on continue. Puis, voilà, aussi Fabrice Cesario, en le connaissant, parce que lui, ça fait plus longtemps qu'il est dans ce milieu-là. Il a beaucoup de connaissances déjà avec les matériels, les techniques d'utilisation. Mmh. Et il fait du bending depuis très longtemps. Donc ça ouvre plein de possibilités sonores qui ne sont pas là d'habitude. C'est des choses qui t'amènent à comprendre un peu le fonctionnement de tout ce que tu utilises. Enfin, oui, il y en a qui font eux-mêmes, je pense à Nico Muche, hein, qu'on a reçu il y a quelques mois ici, qui fait lui-même ses machines aussi. Mais là, c'est pas du bending, c'est de l'électronique. Ouais. C'est quand même deux choses différentes, mais il y a moyen de les utiliser ensemble. Mais le bending, souvent, c'est pas très stable. Donc c'est des choses qui peuvent... Qui peuvent pas fonctionner exactement la même manière à chaque fois, mais en tout cas c'est très très marrant de s'en servir. Et t'es venu donc à la musique électronique en autodidacte, mais avant ça tu t'avais une formation musicale ou... J'ai commencé la musique à 10 ans quoi. J'ai eu des cours de batteur en fait, ça c'était ma première premier instrument que j'ai plus touché depuis plus de 15 ans. Mais après en fait donc j'ai arrêté la batterie parce que ça faisait trop de bruit pour mes voisins, je suis un peu timide, et j'ai commencé la guitare vers 15-16 ans que j'ai en venant à Bruxelles, j'avais ma guitare et l'intention de voyager et de passer plein de temps avec ma guitare quoi, un peu romantique. Et c'était, ouais, c'était quoi, tu faisais à ce moment-là de la musique très mélodique comme ça? C'est des petites chansons un peu déprimantes, un peu grunge comme ça. Oui, parce que tu chantes aussi, tu as gardé ça par contre de chanter avec les machines. Un petit peu, parce que c'est quand même plus facile de chanter avec un mélodie et des paroles en tête que d'improviser. Donc j'improvise un petit peu, mais je ne suis pas encore très fluide là-dedans, c'est beaucoup de travail. Mais oui, je chante aussi. Et les auditeurs ont certainement entendu ton très léger accent, hein, c'est vrai qu'on l'entend pratiquement pas. Mais tu viens d'Angleterre. Je suis londonien. Ouais. Et tu as voyagé aussi en France. J'ai vécu en France, je suis parti avec ma mère donc à 14 ans. Je suis allé à l'école là-bas, ce qui fait que je parle un peu bien. Donc, je suis retourné à Londres avant de venir à Bruxelles il y a une dizaine d'années. D'accord, oui. Et déjà, oui, c'était venir à Bruxelles dans l'idée de faire de la musique. Oui. Ouais. Et aussi de me casser de l'Angleterre parce que j'en pouvais plus. Ouais. Et du coup, est-ce que ça t'arrive d'y retourner pour jouer ou... Non, je suis pas encore retourné pour jouer. J'y vais assez rarement, en fait. Mais oui, à un moment ou à un autre, je retournerai au pays natal pour essayer de me produire un peu. Et justement, musicalement, ici à Bruxelles, il y a quand même une scène. Il y a une chouette vie. Et ce qui est très chouette, c'est que on se connaît assez vite entre nous. C'est cool aussi. Il y a une entraide qui est fort belge, fort de Bruxelles, qui est vraiment agréable. Ouais. Et faire cette et c'est vrai qu'en vous voyant un peu aussi grâce à cette émission avec Edith Juppé, avec Nico qui est venu, avec Constantin, toi aujourd'hui, vous faites tous partie certes oui d'un milieu mais qui reste quand même un milieu très alternatif, en marge ou qui s'agrandit je pense quand même à vue d'œil. pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un passe-temps génial, quoi. Ça rend, enfin, c'est vraiment pour moi, enfin, un passe-temps, c'est peut-être pas le mot exact, appréciatif, mais, un peu, par rapport. Mais disons que voilà, ça t'apporte tellement de le faire. Il y a des petites étapes où waouh, tu fais un truc que tu pouvais pas faire avant, et c'est une satisfaction très grande. Et ça semble, tu parlais tout à l'heure de, oui, une sorte de solidarité. C'est vrai qu'il semble y avoir aussi un état d'esprit lié au recyclage aussi. Tu disais, ouais, moi j'ai mes machines comme ça, que je chope au fur et à mesure avec ce qui passe par là, ce que tu as sous les mains. Ou alors, ou se faire fabriquer aussi. Au niveau des lieux où vous jouez, c'est pas un milieu où on vit bien de la musique. Toi, tu travailles aussi à côté. Enfin, je travaillais à côté, je travaille plus. Ouais. Mais c'est assez difficile de bien placer ces genres de concerts. Mais voilà, c'est pas vraiment mon côté de, je réfléchis pas trop sur la chose. La diffusion. Je joue quand j'ai envie de jouer, ce qui est pas super souvent, parce que ça me prend beaucoup de temps, de préparation, etc. Mais bon, je fais déjà que ça et j'ai envie de faire plus ça. Donc on espère te voir aussi. Oui, ça. En live dans les cafés et autres lieux alternatifs bruxellois. Et en attendant, on va t'entendre maintenant en live. Simplement, peut-être qu'on va dire la vérité aux auditeurs. Sam est venu donc avec toutes ses machines aujourd'hui, mais il y a eu des interférences. Alors on a essayé dans cette pièce-ci. Alors c'était comme un buzz de téléphone que vous connaissez sûrement tous quand ça sonne à côté de votre chaîne IFI ou quoi. Donc ça, c'était pas possible. On a bougé à côté et là j'ai capté une radio classique. Voilà. Donc on doit vous dire que c'est un pré-enregistrement et que on aura le Sam joue ça sera passé, ouais, ça. Ça sera passé, mais oui, puisqu'on est en pré-enregistrement. Mais donc voilà, tu vas préparer un live exprès pour nous, que je vais enregistrer dans les règles de l'art, voilà. Avec témoignage de non-bidouillage après, etc., ouais. etc. Le technicien de Wirabien sera là pour témoigner. Merci beaucoup pour ta présence, pour être venu. Plaisir. Et on écoute donc Sam Rushton en live, pré-enregistré pour Wirabien, qui ouvrira le dernier. Un bon été. Thank you.